Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal, la grande édition de ce samedi. Donc, voici d'abord les titres. Certains habitants de la capitale Bujumbura disent être inquiets de la décision du Conseil national de la communication de suspendre pour 6 mois la radio Voix d'Amérique BBC pour un délai de 6 mois et de mettre en garde d'autres radios. Et pour cela, l'association burundaise des radiodiffuseurs demande au CNC de privilégier le dialogue avant toute réaction. Et la coalition Amizero Yabarundi demande à l'administration de faire respecter le décret présidentiel portant ouverture de la campagne référendaire pour Célestin Dikoumana que vous allez entendre dans ce journal. Un certain nombre de leurs militants a été arrêté dans différentes localités du pays. En réaction, vous entendrez le porte-parole du ministère de la Sécurité publique qui rejette en bloc toutes ces informations. Et page sécurité, l'un des stocks de l'immeuble Makelele, situé au quartier asiatique en mairie de Bujumbura, a pris feu la nuit de ce vendredi. Et les responsables de cet immeuble disent avoir enregistré une perte énorme. Voilà pour le sommaire. Mais tous ces mythes vous assurent la mise en onde de la présentation. Vous êtes avec Placide Niomongué. Je vous le disais dans les titres, certains habitants de la capitale Bujumbura disent être inquiets de la décision du Conseil national de la communication CNC de suspendre pour 6 mois la BBC et la Voix d'Amérique à partir du 7 mai et de mettre en garde 3 autres radios. Ils expliquent qu'une telle mesure risque de favoriser la propagation des rumeurs et préconise la voie du dialogue avant d'agir. Je vous prie de les suivre au micro-trottoir de la Radio Sanganyiro. Depuis hier, quand on a annoncé cette décision, pour certains, je dirais que je l'ai mal appris parce qu'il y a une émission que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que je ne pourrais plus l'écouter. Ou bien laisser une ou deux radios dans un pays, ce n'est pas de la liberté. C'est dans le cadre d'interdire aux journalistes de parler. Ici, je vois qu'il serait dangereux lorsqu'une radio est fermée. C'est pourquoi on ne peut pas manquer de peur. Par exemple, si une fois ces radios mises en garde sont toutes fermées, la population aura beaucoup de peur. En un mot, je n'ai pas aimé cette décision. Non. Nous sommes étonnés vraiment d'entendre ces radios-là suspendues pour temporairement. Et ceci cause pas mal de problèmes, pas mal de conséquences. D'autant plus que la population n'aura pas de l'information suffisante. Et ça facilite que il y aura pas mal de rumeurs, et notamment via les réseaux sociaux, etc. Demandons au gouvernement, et en particulier au CNC, de suspendre cette sanction-là. Oui, Jabomai, c'est cette information. À cause que les radios nous ont donné le programme de l'État et nous ont donné des conseils de l'État et aussi nous donne des situations et d'autres informations aux autres peuples. C'était certains habitants de la capitale Bujumbura qui réagissaient sur la décision du CNC. Le directeur de la radio Isanganiro dit être étonné par la mise en garde du Conseil national et de la communication à certaines stations, dont la radio Isanganiro. Sylvain Nat Karutiman a fait savoir que l'erreur sur laquelle le CNC s'est basé a été vite corrigée dans le même journal. Pour lui, la radio Isanganiro, dont il est directeur, envisage d'entreprendre la voie du dialogue avec le CNC et promet que sa station va continuer à respecter le code, l'éthique et la déontologie professionnelle du métier. Nous avons accueilli cette décision avec surprise. J'avais suivi cette conférence avec intérêt, mais ce qui m'a surpris, c'est que l'erreur qu'on nous reproche, c'était une erreur très minime, que nous pensons que chaque journaliste qui connaît, qui a exercé le métier en tant que professionnel, il sait bien que cette erreur peut se glisser dans un journal. L'important, c'est qu'on a pu rectifier à l'instant même, presque à l'instant même, dans le même journal, dans la même édition. C'était ça qui devrait normalement à nous couvrir. Nous pensons que le CNC peut-être ne s'est pas rendu compte de ce rectificatif que nous avons mis dans le même journal, et ce qui dénote ou qui montre notre professionnalisme. Et nous pensons que cette mise en garde pour nous a été hâtive parce qu'il devait considérer le rectificatif que nous avons mis dans notre édition. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Nous comptons continuer la collaboration avec le CNC. Mine de rien, c'est un organe constitutionnel qui est reconnu par la loi burundaise, par la constitution burundaise, et nous pensons que c'est pas un gendarme pour fermer les médias, pour museler la presse, etc., etc. C'est une institution qui est là pour promouvoir la liberté de la presse. Comme nous avions toujours été en collaboration avec eux, nous pensons que nous continuons toujours la collaboration parce que le CNC milite pour la promotion de la presse et nous devons respecter les lois de la République, la constitution de la République, les lois sur la presse au Burundi. C'est l'engagement que nous avons toujours tenu et nous pensons que cet engagement pourra nous permettre de bien collaborer avec cet organe de l'État, et nous pensons que tout ira bien. L'important, c'est de toujours parler, d'échanger, de collaborer. C'était Sylvère Nakarutimana, il est directeur de la Radio Isanganiro et l'Association burundaise des radiodiffuseurs ABR demande au CNC de privilégier le dialogue avec les responsables des médias avant toute sanction. Cela a été dit par le président de l'ABR, Onesime Haruwunu, appelle les journalistes à respecter la loi régissant la presse au Burundi. Ce que je peux dire par rapport à la BBC, par rapport à la Voix d'Amérique, comme à nos radios, surtout la radio Isanganiro, CCIB, RFI qui ont été mises en garde, ce que je demande au CNC, c'est de privilégier le dialogue et non les sanctions. L'homme, il est toujours peut commettre des erreurs, donc on peut commettre une erreur sans toutefois le vouloir. C'est pourquoi je demande au CNC de mettre en avant le dialogue entre les responsables et les journalistes pour voir pourquoi c'était l'heure, afin de pouvoir corriger très rapidement. Seulement, il faut voir si la loi a été respectée. J'ai confiance en la personne de l'honorable président du CNC, un homme qui a de l'expérience dans le métier, avec toute son équipe. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Ouvre la page politique à 13h04. La coalition Amiseria Barundi demande à l'administration de faire respecter le décret présidentiel portant ouverture de la campagne référendaire autorisant la diversité d'opinions. Pierre-Célestin Dikouma, la présidente du groupe parlementaire de cette coalition, explique qu'un certain nombre de leurs militants a été arrêté dans différentes localités du pays depuis l'ouverture de la campagne. La cause est de participer dans leur campagne. Je vous prie de le suivre. Dès le départ, on avait l'espoir quand même que les gens commencent à intérioriser ce que c'est la démocratie, ce que c'est la divergence d'opinion. Mais malheureusement, après, nous avons remarqué qu'il y a des gens qui commettent encore des gaffes, qui ont des écarts par rapport à ce principe démocratique et qui ont essayé de poursuivre les gens qui battent campagne pour le non. Je citerai notamment le cas de la commune Kabezi où il y a des Imbonerakure qui se sont donné le droit d'intercepter tout ce qui serait en train de battre campagne pour le non. Je citerai un certain Maxime, un certain Bukuru Jean, un certain Evariste, un certain Willy. Et je citerai aussi les cas de Gitega, où un certain Boumé et un certain Biboko travaillent dans la zone Mungwa, et le chef de zone qui ont tenté aussi d'arrêter un motard qui avait un petit fagneau. À Songa aussi, je suis toujours à Gitega, on a arrêté un certain Sylvestre Ndayigaya. Vous comprenez quand même qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est la démocratie. Nous sommes vraiment étonnés parce que, et le décret présidentiel, et le discours de son excellence, M. le président de la République, il reconnaît quand même que les gens soient libres d'exprimer leurs opinions et de donner leurs enseignements par rapport au vote. Mais quelque part, vous accusez les Imbonerakure. Sur quoi vous basez pour identifier que telle personne ou telle autre est une Imbonerakure? Mais ils sont connus. Je n'ai pas parlé des Imbonerakure à masse. Je vous ai parlé des noms. J'ai cité des noms et ils sont connus que ce sont des Imbonerakure. Et ils, des fois même, ils portent des t-shirts Imbonerakure, etc. Et moi, je n'aime pas la globalisation. C'est pourquoi je vous ai cité des noms. Est-ce que votre formation, la coalition Amizeria Barundi, partage toutes ces informations à l'administration pour prendre une décision qui s'impose? Bien évidemment. Chaque fois qu'il y a un cas qui se produit, nous essayons pour leur parler des écarts. Ce qui doit être fait, c'est que les gens aient le courage de respecter, ne fût-ce que respecter, le décret présidentiel. Et ça, c'est vraiment le minimum de ce que les gens doivent faire. C'était Pierre-Célestin Dikoumana, il est le président du groupe parlementaire d'Amizeria Barundi. Pour le ministère de la Sécurité publique et la gestion des catastrophes, balai d'un revers de la main, toutes ces informations faisaient état des arrestations des militants des partis politiques ou des coalitions compte tenu de leurs opinions politiques depuis le début de la campagne référendaire. Le porte-parole de ce ministère indique également que la police n'a pas encore enregistré aucune plainte irrelative et que selon leur rapport, la campagne se déroule sans incident sur tout le territoire national. Je vous prie de suivre Pierre Ngoulikiye, il est porte-parole du ministère de la Sécurité publique. C'est un mensonge. Comment est-ce qu'on peut arrêter des gens qui sont en train de battre campagne alors que c'est le moment de battre campagne? Alors que cette même coalition est autorisée à battre campagne? Plutôt, les informations que détient le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes révèlent que cette coalition est en train de battre campagne dans le pays et en toute sécurité. Et d'ailleurs, la plupart des médias ont produit beaucoup d'articles qui montrent que effectivement, cette coalition est en train de battre campagne dans le pays en toute sécurité. Tout le monde l'affirme que maintenant les politiques sont en train de battre campagne dans leurs différences, sans aucun incident. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun incident sécuritaire qui a été constaté jusqu'à maintenant. Et il n'y a aucune plainte qui est déjà reçue par la police, comme quoi des membres d'une formation politique auraient été marmenés ou appréhendés ou empêchés d'exercer les droits politiques conformément à la loi. C'était Pierre Ngouliki, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes. Commémoration ce vendredi 4 mai, c'était hier, du deuxième anniversaire de la mort de l'ex-président burundais Jean-Baptiste Bagaza, qui s'est éteint le 4 mai 2016. Selon son parti Parena, parti pour le redressement national, appelle tout Burundi à se servir d'exemple des réalisations de feu Jean-Baptiste Bagaza pour participer au développement du pays. Salvatore Barutwanayo, le secrétaire général de ce parti, appelle également la jeunesse burundaise à rester sereine et surtout pendant cette période de la campagne électorale. Nous avons voulu rappeler à tout le peuple burundais que quand même on a connu un président qui était fort, qui a travaillé d'une façon exemplaire, même au niveau de l'Afrique. C'était un exemple vraiment qui était reconnu pour que quand même les générations actuelles puissent prendre des références à cette grande personnalité. Dans ses réalisations, il a fait beaucoup de choses. Donc nous en gardons une certaine nostalgie de ses réalisations pour que quand même tout le monde puisse quand même prendre une bonne référence ou à la limite essayer de l'imiter même si on ne peut pas faire comme lui. Nous demandons au gouvernement de prendre parmi ses nombreuses réalisations de prendre une de ses réalisations et de lui ériger un monument qui va rappeler même aux générations futures que quand même il y a eu un président qui a travaillé, qui a développé notre pays, pour que même les autres soient encouragés pour faire la même chose. Et puis dans ces moments où les têtes sont un peu chauffées, il faut que quand même la jeunesse et même tout le monde, tous les Burundais, soient calmes pendant ces campagnes électorales, référendaires, pour que tout le monde soit calme, le fasse dans la sérénité, dans la tranquillité, pour que dans notre pays règne la paix. Et page sécurité, l'un des stocks de l'immeuble Makelele situé au quartier asiatique à Mairie de Bujumbura a pris feu la nuit de ce vendredi. Jusque dans l'avant-midi de ce samedi, les sapeurs-pompiers étaient à l'œuvre pour tenter d'éteindre le feu. Et les responsables de cet immeuble disent avoir enregistré une perte énorme. Et les détails avec Ornella Mucho. Le camion anti-incendie pour la police de la protection civile éteint les marchandises qui sont brûlées. Arrivé à ce stock, qui constate plusieurs produits alimentaires et produits bureautiques incendiés et qui sont transformés en cendres. Cet homme est un partenaire du propriétaire en matière de dédouanement, fait savoir qu'il va enregistrer une perte importante de marchandises. C'est une perte sèche à 100%. Car tout a été brûlé, je ne crois pas qu'il aura même un vingtième de ce qu'il avait au stock. Estimatif, c'était d'une valeur d'environ de 2,7 milliards à 3 milliards de frambois. Il demande au gouvernement de sensibiliser davantage les opérateurs économiques pour qu'ils prennent des assurances pour leurs marchandises. Le message, c'est que je crois que le gouvernement peut revoir en matière d'assurance à ce que tous les importateurs puissent assurer leurs marchandises au stock et que ça soit qu'il y ait une sensibilisation vers tous les importateurs pour que leur stock soit assuré. Ces mêmes commerçants disent qu'ils ne savent pas l'origine de cet incendie. Merci Ornella Mucho pour tous ces détails. Et pour clore cette édition, les chrétiens du diocèse de Bujumbura sont appelés à prier pour le nouvel archevêque de Bujumbura, Mgr Jove Banchimiyusa, qui remplace Mgr Variste Ngoyagoye. Cet appel est de Mgr Simon Hamrana du diocèse de Gitega, dans l'homélie de ce samedi à l'occasion de la prise de possession canonique de l'archevêque Mgr Jove Banchimiyusa. Les cérémonies ont eu lieu dans les enceintes de la cathédrale de Regina Mundi. Mgr Simon Namrana l'invite à continuer la mission d'être berger pour les chrétiens du diocèse de Bujumbura. Il exhorte aux chrétiens de ce diocèse de mettre en pratique la parole divine dans leur vie. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Métoussé Mitevouti pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Denis Mongele. Tout de suite, vous aurez droit à la revue de la presse. Un bon samedi à tous. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, suivant votre zone d'écoute. L'actualité de la semaine aura été marquée par le lancement effectif mercredi de la campagne pour le scrutin référendaire du 17 mai prochain. Un moment d'effervescence, comme le rapporte le journal Iwachu, dont les reporters ont suivi les ténors du CNDD-FDD à Bugendana, qui appelait au vote massif du oui, alors que la coalition Amizero ya Barundi Ngozi mobilisait pour le non catégorique. L'Église catholique est aussi entrée dans la danse, mais pas sur le terrain des campagnes, mais à travers une déclaration reprise par notre confrère. Tout en rappelant que le moment n'était pas opportun pour amender la Constitution, en se référant à l'article 299 de l'actuelle Constitution, les évêques appellent dans cette déclaration du 2 mai à l'unité et la cohésion des Burundais, car la vie continue après le vote, font-ils remarquer. Le lendemain, c'est le parti du héros de la démocratie qui appelait les Burundais pour le non. Mais au-delà de cette effervescence, l'hebdomadaire Iwachu note en hic « Pourquoi voter ego, oui en français, ou oya, non en français ?» En effet, explique notre confrère, peu de gens ont eu connaissance de ce texte à soumettre aux Burundais, du moins officiellement, puisqu'introuvable sur aucun site officiel comme ceux de la présidence, de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, du gouvernement ou du Parlement. Le journal Burundi Echo revient sur les festivités ayant marqué la journée internationale du travail célébrée mardi de cette semaine, c'était le 1er mai, rapportant les discours des représentants des employeurs et celui des employés. Burundi Echo fait remarquer qu'il s'accorde sur un des grands défis qui caractérisent le monde du travail au Burundi, à savoir le favoritisme dans le recrutement et la promotion dans les différents postes de responsabilité, que ce soit dans le secteur public ou privé. Le sujet qui divise, selon notre confrère, est relatif au procès en justice de deux parties. Le représentant des employeurs a déploré le fait que dans 80% des cas, ils perdent les procès, sachant que l'enjeu financier est trop grand et que par conséquent, les entreprises travailleront à perte si cette situation perdure. Mais ce n'est pas l'avis du représentant des travailleurs, écrit Burundi Echo, qui rétorque que la justice ne fait que son travail, expliquant qu'un employé injustement licencié et qui a gain de cause devrait aussi bénéficier des dommages et intérêts, rejetant la faute aux employeurs du secteur privé qui font tout pour empêcher la création des syndicats dans leurs entreprises. Comme le rapporte notre confrère, le représentant de la COSIBU, la Confédération des syndicats du Burundi, a par ailleurs suggéré que ces employeurs dédommagent leurs employés avec leur propre argent en cas de faillite pour décourager ces licenciements arbitraires. Les blogueurs d'Oyaga reviennent comme les autres journaux sur la journée du 3 mai dédiée à la liberté de la presse à l'échelle mondiale. Mais au Burundi, écrit-on, au vu de ce que bravent les médias locaux et différents journalistes, difficile d'affirmer que ces derniers œuvrent en pleine liberté. Le blogueur rappelle que, durant ces trois dernières années, s'il y a un métier qui a souffert de la crise politique que traverse le Burundi, la presse arrive en premier. Évoquant les différentes sanctions et mises en garde contre certains médias encore opérationnels, les journalistes, le blogueur fait remarquer que ces derniers marchent désormais sur les œufs et que maintenant les journalistes sont conscients que le moindre faux pas peut leur coûter très cher. Ce ne sont plus les Burundais seulement qui sont dans le viseur du CNC, le Conseil national de la communication. Le blogueur de Yaga rappelle que les chaînes internationales Voix de l'Amérique et la BBC n'ont plus le droit d'émettre sur le territoire national pendant 6 mois à partir du 7 mai prochain et que la Radio France Internationale vient d'être mise en garde. On termine avec toujours une blogueuse de Yaga qui estime que s'il y a harcèlement dans les rues, les femmes ne sont pas innocentes parce qu'il y a des attitudes qui favorisent ces dérapages. C'est notamment le port par les jeunes filles de courtes jupes ou jeans ultra moulants ou robes courtes. Pour cette blogueuse, celle qui pense que c'est bien pour mettre leurs atouts féminins en valeur, se trompe et tombe dans un piège en effet mode. Mais, explique-t-elle, cette mode qu'elles veulent suivre est implantée dans un pays qui a une histoire à lui différente de la nôtre. Et cette blogueuse de Yaga de conclure que c'est juste naïf et inconscient de vouloir importer ce qu'on voit ailleurs et espérer par magie que cela se passe sans encombre ici chez nous. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes et bon week-end. Revue de la presse.